Bon pour chacun, nous ferons une table ronde où nous romprons le même pain. Sans faiblir, nous saurons défendre la liberté de nos enfants pour qu'on ne puisse nous la prendre. Soyons unis, serrons les rangs. L'avenir nous appelle, répondons à son vœu. Et la vie sera belle dans un monde radieux pour une ère nouvelle, brandissant son flambeau. L'avenir nous appelle vers un monde plus beau. C'est le travail qui nous apporte la vie, le pain, la liberté. C'est lui qui ouvrira la porte au bonheur de l'humanité. Nous saurons vaincre les obstacles qui surgiront sur le chemin. Nous ne croyons pas au miracle, c'est de nous que dépend demain. L'avenir nous appelle, répondons à son vœu. Et la vie sera belle dans un monde radieux, pour une ère nouvelle, brandissant son flambeau. L'avenir nous appelle vers un monde plus beau. L'avenir nous appelle vers un monde plus...